franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est l'histoire d'une manipulation particulièrement audacieuse. Une opération des services secrets français en pleine guerre d'Algérie qui avait pour objectif de semer la division dans le camp indépendantiste, mais qui est aussi indirectement responsable de l'un des pires drames de ce conflit, le massacre de Mélouza. 350 villageois tués à coups de fusil, de hache et de couteau. Il faut aussi ajouter que cette tuerie a donné lieu à une autre guerre, celle de la propagande. Pour le FLN, qui niera toujours farouchement toute implication dans cette tragédie, ce sont forcément les troupes coloniales qui ont perpétré ce massacre. Tandis que pour les autorités françaises, les auteurs de la tuerie sont les Fellahs, qui ont éliminé des innocents seulement coupables de vouloir rallier la France. Monsieur X revient donc sur la genèse et la mise en œuvre de cette opération, nom de code Olivier, une histoire d'où émerge la figure d'un homme étonnant qui aurait pu devenir un héros dans son pays, Mohamed Bellounis, s'il n'avait été brisé par le pouvoir colonial. القلب اللي ما بقاش ضرب ما بقى لك ما تزيد ما تزيد قلب مكان ما يدار هذا مكان مع الزمان مع الوقت كل شي كيمشي داك اللي كنت تموت عليه دور عليه تحت شتا داك اللي كنت تعرفه غلب شوفة وحدة بين الكلام بين الخطوط وتحت الزواق ديال الحلوف معكر اللي كيبقى يدور في الليل يا ليل يا ليل مع الوقت كل شي كيخبر مع الزمن مع الوقت كل شي كيمشي حتى حسن فكرات كيغدبو عليك في الحنوت تتقلب تتقلب سوق الموت كل سبت في الليل فاش المحنة تمشي بوحدها مع الزمان مع الوقت كل شي كيمشي داك اللي كنت تيق فيه على روح على ولو داك اللي كنت تعطلوه الريح وذهب والخواتم على من تبيع روحك بشي درهم قدام من تتحبوه بحال اللي كيحبوا الكلاب مع الوقت كل شي لاباس مع الزمن مع الوقت كل شي كيمشي كتنسى العشق وكتنسى الصوات اللي كانوا كيقولوا الكلام ديال المساكن ما تعطل شي ما تعطل شي عندك يجيك البرد براسك شايب بحال شي عود الرازم وتحس براسك جامد في الفراش البراني وتحس براسك بوحدك لكن هني تحس براسك محكور بسنين اللي مشاو عليك يا ليل يا ليل يا ليل عدك الساعة بصح مع الوقت ما تبقاش تبغي Les armées coloniales en butte à une guerre de libération, il a toujours été tentant de diviser l'adversaire en jouant des rivalités ethniques, géographiques ou économiques. Les jeunes officiers français qui ont fait face à la rébellion algérienne avaient souvent préalablement combattu en Indochine. Et là-bas, certains d'entre eux avaient par exemple enrôlé des Hmongs, une tribu de montagnards dans leur lutte contre les communistes. Oui, et à l'occasion, c'était les militaires français qui écoulaient la drogue que ces tribus produisaient. C'est parfaitement exact. Et les Américains ont pris la suite, puisque ce sont les avions de la CIA qui ont transporté l'opium des Hmongs. Mais passons, mais revenons en Algérie et à l'histoire du mouvement indépendantiste. Oui, c'est-à-dire la rivalité entre le FLN, le Front de Libération Nationale, et le MNA, un mouvement national algérien. Oui, le parti créé par Messali Hadj. C'est pourquoi on l'appellera ses partisans les Messalistes. Cette rivalité politique va rapidement devenir une terrible lutte fratricide. Oui, naturellement. L'armée française va exacerber cette rivalité. Et s'en servir. Mais au départ, qu'est-ce qui les sépare, ces deux mouvements-là ? Idéologiquement, pas grand-chose. Les deux mouvements combattent pour l'indépendance de leur pays. Toutefois, ils vont se diviser sur la nature de l'action à mener pour acquérir cette indépendance. Pour simplifier, disons que le FLN était plus radical que le MNA. Et c'est le FLN, d'ailleurs, qui a lancé la lutte armée. Dès la Toussaint, 1954, en perpétrant simultanément plusieurs attentats anti-français. Et devançant ainsi le MNA. Oui, car les messalistes n'étaient pas prêts, privilégiaient encore l'action politique. Donc ça va pas durer. En effet. À leur tour, les messalistes vont se lancer dans le combat armé. Toutefois, c'est vrai, ils ont pris du retard sur leurs rivaux. Un retard qu'ils ne rattraperont jamais. Malgré tout, n'aurait-il pas été plus sage que ces deux mouvements se rapprochent ? Certes, mais il fallait aussi tenir compte des ambitions personnelles. Messali Hadj considérait à juste titre qu'il était le leader historique des indépendantistes. Ouais, Messali qui se trouvait alors, je crois, en résidence surveillée en métropole. C'est juste, ouais. Mais son parti disposait de nombreux cadres et était influent parmi la bourgeoisie algérienne et disposait même d'un représentant à l'ONU. Toutefois, les jeunes loups du FLN refusaient de reconnaître son antériorité et son autorité. Pourtant, au début de 1955, sous la pression de l'Égypte, on a observé une tentative de rapprochement entre les deux mouvements, avec la constitution d'un front commun. Mais cet accord a rapidement volé en éclats. Et pourquoi ? Oh, pour des raisons politiques. Le FLN a adopté une ligne nassériste, c'est-à-dire, pour simplifier, un mélange de socialisme et de nationalisme, ce que récuse Messali Hadj. Et très vite, en dépit d'une nouvelle tentative de réconciliation conduite par le colonel Nasser, la situation dégénère. Ouais, jusqu'au divorce. Oui, en septembre 1955, le FLN dénonce le MNA comme étant un auxiliaire du colonialisme. Le FLN qui, par ailleurs, gagne incontestablement en influence. Et riposte alors du MNA ? Les messalistes tentent de réagir en lançant des appels à l'union, sans succès, bien au contraire. Du côté du FLN, la réponse est cinglante. On ne s'allie pas aux traîtres, on les abat. Les frontistes sont d'autant plus intransigeants qu'ils ont acquis une vraie suprématie militaire. Sur le terrain, donc. Pourtant, le MNA a commencé à implanter ses propres maquis dans les régions où Messali demeurait populaire. Par exemple, dans le sud algérien, ou encore l'Oranie, l'Algérois et la Basse-Kabylie. Cependant, la rivalité entre les deux mouvements est aussi psychologique. Les messalistes veulent à tout prix faire croire aux Algériens qu'ils sont les véritables dirigeants de la rébellion, même lorsqu'ils ne sont pas les auteurs des actions armées. Ils prétendent que Messali est le chef d'orchestre de l'insurrection contre le pouvoir colonial. Ouais, mais c'est donc uniquement de la propagande. Mais ça n'arrange pas les rapports entre les deux mouvements. Le fossé se creuse progressivement à l'avantage du FLN qui s'enracine dans l'Algérie rurale profonde. Ouais, mais jusque-là, la confrontation est restée pacifique. Oui, mais ça va changer en 1956. Dans les zones où le MNA l'emporte en termes d'audience, le FLN lance des opérations militaires de conquête. C'est par exemple le cas en Kabylie, où la lutte entre les deux mouvements devient vite sanglante. Le FLN essaie de s'imposer par la force. Oui, quand les villageois sont rétifs à se rallier ou hésitent à rompre avec la France, ils le paient très cher. On parle alors de nuit rouge. C'est-à-dire ? Ce sont de véritables massacres. En Basse-Soumane, au nord-est du pays, à mi-chemin entre Alger et Constantine. Mais aussi dans les villages de Souk el-Djem, ou encore celui d'Ifraten, où tous les habitants soupçonnés de s'être ralliés aux Français ont été tués au mois d'avril 1956. Et toi, c'est des massacres dont on a peu parlé. C'est vrai, et c'est assez curieux, car les autorités auraient eu beau jeu d'exploiter ces horreurs pour discréditer le FLN, qui mène alors une campagne de terreur pour soumettre les Algériens à sa loi. Au début 1957, les dirigeants de la Wilaya 3 donnent même l'ordre de brûler tous les villages qui auraient demandé protection aux autorités françaises et d'y abattre tous les hommes de plus de 20 ans. Mais on aura l'occasion de reparler de ces impitoyables dirigeants de la Wilaya 3. Une Wilaya, il faut le rappeler, c'est une direction locale de la rébellion. Hein. Et plus tard, quand l'Algérie sera indépendante, ces Wilayas seront l'équivalent de nos préfectures. Mais enfin, revenons au conflit MNA-FLN. En Kabylie, à l'hiver 56, de sanglants affrontements opposent les combattants des deux camps. À Sédouk, 18 jeunes gens réputés être messalistes sont égorgés. Et sur l'un des cadavres, une pancarte, signée du FLN, revendique cette tuerie de traîtres. Ailleurs, des notables sont assassinés et leur mort est faussement attribuée au MNA. À vous entendre, là, on a l'impression que la violence n'est pratiquée que par un camp, le FLN. Et son bras armé, la LN, l'Armée de Libération Nationale. Non, vous le verrez dans la suite de cet entretien. Certains chefs du MNA n'ont pas été moins cruels que leurs rivaux. Mais tous les moyens sont bons pour l'emporter. Il arrive que des groupes de Felaga du FLN se présentent comme messalistes dans quelques villages afin de débusquer les sympathisants du MNA et de les liquider sur le champ. Cette guerre dans la guerre se chiffrera en milliers de morts. Et elle aura plus tard de terribles conséquences. Mais pour quelle raison alors ? C'est votre ami Benjamin Stora, le spécialiste incontesté de l'histoire de l'Algérie, qui en a tiré la leçon. Cette sanglante confrontation a provoqué la mort de milliers de militants aguerris qui manqueront cruellement à leur pays quand l'indépendance arrivera. Ouais. Autant de futurs cadres qui auront disparu. Et qui auraient certainement pu faire pièce aux militaires qui s'empareront du pouvoir. Ils ne le quitteront plus. Enfin, moi, ce qui me semble quand même étonnant, c'est que, là, en vous écoutant, on a l'impression que les autorités françaises ont laissé faire. Bah, écoutez, tant que les rebelles se massacrent entre eux, l'armée française se contente de compter les points. Mais bientôt, les spécialistes du renseignement vont se dire qu'il serait très avantageux de jeter un petit peu d'huile sur le feu. Oui, en attisant cette rivalité. Naturellement. Mais comment faire, alors ? Le FLN étant en train de prendre l'ascendant sur son rival, c'est ce dernier qu'on va essayer de soutenir. Oui, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi pouvant devenir mon ami. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. Donc, le MNA. Mais il est tout de même difficile d'oublier que les messalistes sont aussi farouchement partisans de l'indépendance que leurs rivaux frontistes. C'est vrai. Aussi, l'opération est délicate et doit être menée avec prudence et habileté. Il y a d'abord, bien sûr, la part de la propagande, l'action psychologique, comme disent ces jeunes officiers qui enlument Mao Zedong. Par exemple, faire croire à un camp que ces hommes ont été arrêtés sur dénonciation de l'autre. Il va y avoir aussi des manœuvres beaucoup plus subtiles. Vous savez, bien entendu, ce qu'ont été les sections administratives spécialisées. Oui, les SAS. Oui, c'était des détachements de militaires français chargés, au nom de la politique de pacification, d'effectuer dans les villages un travail social et éducatif. Et aussi, quelquefois, d'engager des supplétifs autochtones. C'est exact. Des milices locales appelées Magzen. Mais n'entrons pas dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces officiers des SAS étaient généralement proches des populations des villages où ils étaient installés. Ah, et ça permettait de nouer d'utiles contacts. Ah, et c'est là où je voulais en venir. Et je vais vous parler d'un jeune capitaine de SAS qui va jouer un rôle essentiel dans l'histoire dramatique que je vais vous raconter. Sur la férocité du FLN et sa campagne de terreur, plusieurs auteurs citent la lettre que les populations de trois villages du Douar et Adjenden ont envoyée à leurs députés afin de lui demander sa protection. Extrait. Vous n'ignorez pas, monsieur le député, tout ce que connaît notre pays, tout ce que nous souffrons de troubles continuels et sanguinaires, de tueries fratricides et destructions sauvages atteignant un degré qui n'a été enregistré nulle part ailleurs, que ce soit aux Aurès, à Philippeville, à Ain Abid, à Gbou ou encore en Grande Kabylie. Vous n'êtes pas sans ignorer, sikh, tous les actes de destruction accomplis, les routes coupées, ponts et maisons des pauvres fellahs innocents sautés, sans parler d'égorgements inhumains commis sur des bêtes irresponsables, mulets, bœufs, agneaux, chevaux et chiens. Notre Douar compte à lui seul déjà 107 victimes innocentes, faibles et sans armes, exécutées pour le seul crime d'avoir refusé leur participation à des actes de destruction. Commentaire de Gilbert Meynier, qui reproduit cette lettre dans son ouvrage sur l'histoire intérieure du FLN. Les notables des trois villages sollicitaient donc leur mise en autodéfense sous protection française. Une réunion tenue par un officier français au village de Feraoun réunit sur ce sujet des délégués de plusieurs villages, mais dans un premier temps, les propositions de l'officier furent rejetées. Il y eut cependant, pendant l'hiver et au printemps, une suite impressionnante d'égorgements en Bas-Soumam. Alors, qui est cet officier de SAS, là ? Il s'appelle Jean Combette. Et dans la région des Beni Hillman, où sa section est implantée, c'est-à-dire aux confins de la Kabylie et du Constantinois, il jouit plutôt d'une bonne réputation, parce que, dans la mesure de ses moyens, il vient en aide à des populations généralement déshéritées. Et dans cette région, quelle est la faction indépendantiste qui domine ? Ben, on y est plutôt favorable au MNA. Mais j'ajoute, et c'est très important, que ce territoire relève géographiquement, pour le FLN, de cette Vilaya 3 dont je vous ai parlé. Enfin, ça, j'y reviendrai. Auparavant, et avant de voir plus précisément quel rôle a joué le capitaine Combette, il me faut évoquer un autre homme, une personnalité exceptionnelle, Mohamed Bellounis, un important dirigeant messaliste qui aurait peut-être pu changer le destin de l'Algérie. Pas moins. Et qui est ce personnage hors norme, alors ? Bellounis est né en Kabylie, avant la Grande Guerre, dans une famille de propriétaires terriens aisés d'origine arabe. Pas berbère, donc. Oui. Très vite, Bellounis fait montre d'un caractère bien trempé. C'est aussi un autodidacte qui dévore les meilleurs auteurs, les anciens, mais aussi Clausewitz, Proudhon ou Marx. Ouais, un brillant jeune homme. Et qui est vite passionné par la chose publique. Avant même la Seconde Guerre mondiale, il s'impose au sein d'une section socialiste locale, alors qu'elle ne compte pratiquement que des Européens. Il devient aussi conseiller municipal. C'est dans ces cercles politiques qu'il va réaliser que ses militants de gauche, aussi généreux fussent-ils, n'abandonneront que des miettes de pouvoir aux indigènes, comme on les appelait alors. Ouais, c'est sa prise de conscience. En effet. Et Bellounis franchit un grand pas en adhérant au premier parti de Messali Hadj, le PPA, c'est-à-dire le Parti du peuple algérien, créé un an plus tôt, en 1937. Un parti déjà indépendantiste. Hein. Ce qui vaudra nombre d'ennuis à son créateur. Bellounis, lui, est mobilisé dans l'armée française en 1939. Il est alors sous-officier dans la cavalerie. Mais comme beaucoup d'autres, il est fait prisonnier en 1940. Libéré, grâce à l'intervention du gouverneur de l'Algérie, il en profite aussitôt pour rejoindre la résistance dans le sud-ouest, incorporé dans un maquis FTP. Il aurait alors conçu une forte aversion pour la discipline et l'ordre communiste. Alors, d'où plus tard son hostilité au FLN socialiste. C'est certain. Après la libération de la métropole, Bellounis rentre au pays. En 1945, il participe activement à l'insurrection du Constantinois. Ouais, une insurrection durement matée par l'armée française. Dans le sang, oui. Ouais. Sétif en particulier. Ça doit conforter ses convictions indépendantistes. Bah, forcément. Dès lors, Mohamed Bellounis est un rebelle qui parcourt sa Kabylie natale pour prêcher la révolte. Ainsi, son mariage avec une institutrice est-il l'occasion de réunir des milliers d'invités qui manifestent leur sympathie pour le messalisme. Mais ça veut dire en tout cas que Benounist est devenu un personnage populaire. Et un intelligent qui compte, oui. Mmh. C'est alors l'un des principaux animateurs de l'OS, la branche armée secrète du MTLD, le nouveau parti de Messali Hadj. Mmh. Rappelez-moi, la MTLD, ça veut dire quoi ? Le MTLD, c'est le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Mmh. Alors Benounist est donc maintenant un clandestin. Ah, tout à fait. Et ça lui vaut de connaître les rigueurs de la prison. Mmh. On a quelque chose de précis à lui reprocher ? La police le soupçonne de ne pas être étranger à quelques disparitions de candidats aux élections municipales hostiles au MTLD. Ah oui, donc la violence ne lui fait pas peur. Ah, aucunement, la suite le prouvera. Quand vient la Toussaint 1954, c'est-à-dire le début de l'insurrection, Benounist se range naturellement derrière Messali et son nouveau parti, le MNA, créé en décembre. Mmh. Et créé pour contrer le FLN qui était l'origine des attentats de la Toussaint. Hein. Messali a beau préférer le combat politique, il sait aussi qu'un mouvement indépendantiste, aussi bien implanté soit-il, doit aussi disposer d'une aile armée. Et il en confie le commandement à Benounist, à charge pour ce dernier d'unir les différents groupes armés qui existaient alors au sein du mouvement messaliste. Et ce n'est pas évident, car les chefs de ces petits groupes ne veulent pas renoncer à leur autonomie. Et on verra dans l'histoire du mouvement messaliste fleurir de nombreux cas d'indiscipline, et même de défection. Mmh. Et Benounist lui-même, alors ? En avril 1955, l'ancien résistant donne l'exemple et prend le maquis en petite Kabylie et recrute des combattants. Mais il réalise très vite qu'il se trouve dans une position très inconfortable. Pourquoi ? Il est coincé entre les maquis FLN, très actifs, et les troupes d'élite françaises qui quadrillent la région. Pour échapper à cette tenaille, il prend l'initiative d'organiser une grande marche de ses troupes vers le sud. Une grande marche ? Oui. Lui aussi, à Mao Zedong. À l'issue de cette transhumance, il parvient enfin à regrouper tous les groupes armés du MNA au sein de la NPA, l'Armée nationale populaire algérienne. Trois chefs de zone sont désignés. Achour Zian, dans les Houlanaï, Ben Adjerazak, dans le Boukaïl, et Benounist lui-même dans le massif montagneux du Djebel Amour. Mais ce dernier n'a pas gagné pour autant, car la plupart du temps, les chefs qu'il a désignés veulent essentiellement se forger des fiefs. Et donc, ils se moquent des directives de Benounist. Oui, c'est à peu près ça. Pire, ces chefs en oublient ce qui devrait les mobiliser en priorité, c'est-à-dire la lutte contre le colonisateur. En outre, la pression du FLN ne cesse d'augmenter. À l'hiver 56, plusieurs colonnes formées au Maroc convergent vers le Djebel Amour. C'est-à-dire le fief donc de Mohamed Benounist. Et bientôt, ses troupes se retrouvent encerclées. Alors là, c'est la guerre entre les deux rivaux ? Pas encore. Hein. Les hommes de l'ALN, la structure armée du FLN, n'attaquent pas directement. Mais leur chef, Simourat, entreprend d'abord de démanteler ce qui fait la vraie force des messalistes. Son implantation dans les organes administratifs, une authentique administration parallèle qui nourrit la guérilla. Benounist ne peut donc que constater ce grignotage progressif des positions du MNA. En même temps, il faut le noter, le chef de la NPA évolue, politiquement j'entends. Oui, c'est-à-dire Il s'éloigne peu à peu de son mentor, Messali Hadj. En fait, il élabore sa propre doctrine, très hostile aux pays communistes, Chine et URSS, qui sont les principaux soutiens politiques du FLN. Il rêve, lui, d'une troisième voie pour son pays. Un peu comme ces non-alignés qui viennent de se réunir à Bandung. Des dirigeants anticolonialistes qui veulent se moderniser et se libérer de l'Occident sans pour autant tomber dans les bras des communistes. Et sur le plan militaire ? Sa situation devient de plus en plus difficile. Isolé dans ce massif montagneux glacial, il lui faut s'échapper. D'autant que les mauvaises nouvelles ne cessent de lui arriver. Un chef local de son armée change de camp et rallie le FLN avec ses hommes, tandis qu'Achour Zian est tué. Puis il apprend qu'un autre chef qu'il a nommé, Sir Wes, passe lui aussi à l'ennemi. Alors que peut-il faire hein ? Malgré tous ses déboires, Benounist ne veut pas lâcher prise. Quittant la Kabylie, il entame une seconde et épuisante longue marche pour établir une nouvelle base dans le sud algérois, dans les Beni Elman. Ouais, c'est-à-dire sur le territoire géographique de la Wilaya 3. Et à proximité de la SAS du capitaine Combette. Une région où se trouve un ensemble de Meshta plutôt favorable au MNA. Avant de poursuivre, il y a une question devant. tant de difficultés, de trahisons. Bellounis n'a-t-il pas pensé lui-même que son combat pour l'indépendance passait par son ralliement au FLN ? Je ne crois pas, parce qu'il était trop tard. Bellounis était persuadé qu'il avait un rôle personnel à jouer. Mmh. Un destin national ? Oui, mais cette conviction profondément ancrée va presque inéluctablement le conduire dans une tragique impasse. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une parenthèse. Si la lutte était âpre et meurtrière en Algérie entre le MNA et le FLN, elle n'était pas moins sanglante en métropole. Exemple. En octobre 1957, un important dirigeant messaliste, Embarek Filali, tombe sous les balles d'un tueur du FLN. La suite, dans l'ouvrage de Benjamin Stora consacré à Messaliadj, je cite. La mort de Filali ébranla Messali. Son dernier camarade de l'époque héroïque disparaissait. La direction du MNA était décapitée. La mort de Filali a été pour le parti un cas presque mortel, écrira-t-il en avril 1958 dans son rapport à la conférence de cadre du MNA. En octobre 1957, contre les assassinats dont furent victimes Filali et ses camarades, un appel à l'opinion fut lancé par André Breton, Jean Cassou, Maurice Clavel, Jean Duvigneau, Daniel Guérin, Clara Malraux, Edgar Morin et quelques autres. L'appel se terminait ainsi. Seuls les ultracolonialistes peuvent se réjouir de tels actes grâce auxquels sont supprimés des hommes que la répression n'avait pas abattu. Quant à ceux, militants et organisations, qui ont toujours eu à cœur de lutter contre le colonialisme et de manifester leur sympathie au peuple algérien, il leur importe de crier leur indignation. Le silence deviendrait complicité. Ceux qui avaient décidé d'adopter le silence avaient, entre-temps, trouvé une justification, l'affaire Bellounis. Explication de cette dernière phrase de Stora dans la suite du récit de Monsieur X. Je vous ai dit que la deuxième longue marche de Bellounis et de ses hommes avait été épuisante. Elle a été aussi meurtrière. Ils étaient près de 1300 au départ et à l'arrivée dans les Beni Hillman, où se situe un gros bourg prospère, Melouza, ils ne sont plus que 800. Et que sont devenus les disparus alors ? Ils ont été tués au cours d'engagement avec l'armée française. Comment les survivants sont-ils accueillis là-bas ? Pas trop mal. Pour comprendre, il faut un tout petit peu revenir en arrière. Je vous l'ai dit, la région était plutôt favorable aux messalistes. Mais en 1956, un événement tragique a provisoirement renversé la situation. Un groupe rebelle a tendu une embuscade à une section de soldats français. Un capitaine a été tué. Sur ordre du lieutenant-colonel Antoine Argou, qui s'est trop souvent illustré par la brutalité de ses méthodes, des représailles sont ordonnées. Ouais, de quelle nature, là ? Quelques suspects sont raflés et immédiatement fusillés. Leurs cadavres ont été placés sur le toit d'un autocar qui a déambulé sur les routes et pistes autour de Melouza. Argou était l'un des propagateur de l'action psychologique. Oui, il croyait à la vertu de l'exemple par la terreur. Cependant, lorsque les troupes françaises appelées ailleurs ont dû se replier, la population du bourg s'est aussitôt ralliée à la rébellion. Pour le FLN, l'affaire était d'importance. La grosse tribu des Benny Hillman, qui peuplait la région, étant plutôt acquise jusque-là aux frères ennemis du MNA, Mélouza pouvait devenir une nouvelle tête de pont pour les frontistes, qui pourraient peut-être ainsi rallier la tribu à leur cause. Oui, en raison de l'émotion provoquée par les représailles d'Argout. En effet. Mais ça n'a pas duré. Le FLN, qui s'était imposé un an plus tôt, était en perte de vitesse à Mélouza. Pour quelle raison ? La population arabe supportait de plus en plus mal l'autoritarisme de ses militants, en général kabyles, et rechignait à payer l'impôt révolutionnaire. C'est allé très loin. Quatre cadres du FLN ont été dénoncés aux autorités militaires françaises. Puis, étape supplémentaire, trois agents de liaison des rebelles ont été abattus. Et enfin, un sergent du FLN et son secrétaire, qui demandaient asile à la tribu des Benny Hillman, ont été massacrés à coups de hachette. Ouais. Le FLN était presque obligé de réagir, là. D'autant que les deux hommes forts de la ville Aya 3, Mohamedi Saïd et Amirouche, n'étaient pas réputés pour être détendres. Ils tenteraient donc certainement de faire un exemple afin de venger leurs hommes. Et c'est donc dans ce climat explosif que Belounis et ses hommes viennent s'installer dans la région. Inutile de vous dire que pour Saïd et Amirouche, ils ne sont pas les bienvenus. Donc, tôt ou tard, il y aura confrontation. C'est certain. Parallèlement, Belounis avait donné des consignes à ses hommes. La priorité absolue, c'était la lutte contre le FLN. Et pas contre l'armée française. C'est la vérité. Les messalistes ne devaient attaquer les soldats français que pour s'emparer éventuellement de leurs armes. La suite était quasi inévitable. Quoi, un rapprochement entre le MNA et les forces françaises? Un rapprochement est un mot un peu trop fort. Disons plutôt que des contacts pouvaient être noués, pour le plus grand profit des deux parties. C'était d'autant plus important pour Belounis, toujours bien informé, qu'il craignait que le FLN ne passe à l'action à Mélouza pour venger ses morts. Oui, j'imagine là qu'on va bientôt retrouver le capitaine Combette. Oui, peu de temps auparavant, au début du printemps 1957, l'officier français a accueilli un messaliste condamné à mort par le FLN et à qui il a accordé sa protection. Par son intermédiaire, il espère pouvoir correspondre avec Belounis. S'agit-il d'une initiative personnelle ? Certes, mais il n'ignorait pas que dans le passé, lorsque Jacques Soustelle était gouverneur de l'Algérie, le deuxième bureau avait envisagé de semblables tentatives. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, le capitaine a demandé le feu vert de l'état-major. Je comprends bien quel pouvait être l'intérêt des militaires français, mais Belounis, lui, que pouvait-il attendre d'un éventuel contact ? Ces hommes et lui-même vivaient dans un grand dénuement. Ils étaient par exemple sous-équipés en armes et munitions. Alors il imaginait donc que les Français pourraient armer ces hommes ? Pourquoi pas ? Si c'était pour combattre exclusivement le FLN. Quoi qu'il en soit, Combette joue très finement. Il fait passer une lettre à Belounis. Comme il ne veut pas compromettre celui qui sera peut-être un jour son allié, il l'a fait signer par le chef du Magzen de sa SAS, qui est en même temps maire d'un village local. Qu'y a-t-il dans cette lettre C'est clairement une offre de paix et de collaboration. Une lettre volontairement naïve et grandiloquente qui va faire mouche. Yves Courrière, auteur d'une monumentale histoire de la guerre d'Algérie, a reproduit cette lettre dans le troisième tome de son ouvrage « L'heure des colonels ». En voici un extrait particulièrement éloquent. « Je pense comme toi qu'une rencontre entre nous est nécessaire. Pourquoi se cacher ? Au lieu de vivre au grand jour dans le bonheur et la prospérité, nous voulons une Algérie heureuse avec du pain pour tout le monde. Il est temps pour ceux qui se sont trompés d'ouvrir les yeux et d'agir comme des gens d'honneur. Au service du bien et de la patrie, le sang des innocents n'a que trop coulé. Nous voulons agir avec intelligence. À ceux qui parlent, nous parlons. À ceux qui veulent avoir raison par les armes, nous opposons les armes. Si Ahmed, il s'agit d'un chef local du FLN, est mort à Mélouza de notre main pour n'avoir pas voulu comprendre ces choses-là. Tu veux combattre le FLN ? Nous aussi. Alors, sois un vrai musulman, laisse les sentiers de la forêt et viens marcher avec nous dans la lumière. Si tu veux me parler... Et si tu veux parler à mes chefs, alors viens ou dis-moi où te rencontrer. La place de ton fusil et des armes de tes hommes est à nos côtés. Les musulmans ne se battent pas comme des chiens et les cadavres des FLN, les amis des communistes, pourrissent et sont mangés par les chacals. » Et vous avez donc dit que cette lettre a été très bien reçue. Oui. Ça voulait dire que Beounis était déjà prêt à tourner casaque. C'est certain. Il était très tenté. La preuve, c'est qu'il a répondu dans les 24 heures et qu'il a fixé un rendez-vous secret avec le capitaine Combette. Malheureusement, au jour dit, une opération impromptue de l'armée française a lieu dans le secteur où doit avoir lieu la rencontre. Et Beounis doit croire qu'on veut le faire tomber dans un piège ? Ah, c'est parfaitement exact. Donc, il quitte les lieux en toute hâte. Ouais. Et attendez, Combette là, n'avait pas été informé de cette opération de l'armée ? Eh non, c'est malheureusement vrai. Il était même si peu informé qu'il s'est fait, pardonnez-moi l'expression, vertement engueuler par le commandant de l'opération, furieux de le trouver sur son terrain. Ouais. Et Beounis, alors ? Il était devenu légitimement méfiant. Il a donc fallu raccrocher les wagons. Et Combette était d'autant plus pressé qu'il avait peur que la troupe de Beounis, dans l'état de dénuement dans lequel elle se trouvait, ne finisse par rejoindre le FLN. Autre raison qui explique la fébrilité du capitaine français. En annonçant qu'il avait réussi à obtenir un rendez-vous avec Beounis, il avait alléché le commandement à Alger. Et là-haut, on voulait absolument que sa manœuvre soit couronnée de succès. On attendait des résultats. En effet, et pas seulement à Alger, à Paris aussi, on mettait beaucoup d'espoir dans cette opération. Parce qu'on considérait que le MNA, bien qu'étant indépendantiste, était composé de gens avec lesquels on pouvait parler. D'ailleurs, de nombreux intellectuels, souvent de gauche, prônaient depuis longtemps qu'il fallait prendre langue avec les messalistes. Et Combette, alors, a pu obtenir un nouveau rendez-vous ? Cependant, entre-temps, il va y avoir le massacre de Mélouza. Et pour Beounis, cette tragédie va changer bien des choses. Dans quel sens ? Bon, n'allons pas trop vite. Je propose que nous abordions cette question dans notre prochain entretien. Toutefois, avant de nous quitter pour aujourd'hui, encore un mot. Je vous l'ai dit, les chefs FLN de la région, Saïd et Amirouche, voulaient absolument venger leur mort. Au début de mai 1957, je crois, si Abdelkader, le responsable local du FLN, réunit les effectifs de deux sections et monte vers Mélouza. Il est bien décidé à demander des comptes au chef de la tribu des Beni Hellman. Et à sévir, j'imagine. Bien entendu. Ouais. Mais quand les Moudjahidines arrivent sur place, les hommes de Beounis s'interposent. Les Moudjahidines sont encerclés. La population du Douar, femmes et hommes mêlés, crie son hostilité. Les maquisards du FLN doivent se replier sous les huées de la foule, tandis que les militants du MNA manifestent bruyamment leur joie. Et c'est une nouvelle humiliation pour les FLN, ça. Et les chefs de la Wilaya 3, furieux, sont décidés à la faire payer très cher à la population de Mélouza. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. Un livre pour terminer, outre ceux que j'ai déjà cités dans leur histoire politique des services secrets français, Jean Guinel, Roger Faligot et Rémi Koffer donnent une version détaillée de ce que l'on a appelé l'affaire Beounis. À samedi prochain sur franceinter.fr, espérons que vous pourrez réécouter cette émission grâce au podcast. Rebecca Denant a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.